Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste cube dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que les murs qui résistent. Manque d'amour dans ce merdier bordel. La vie me croque mortelle, tu sais. Une moitié de moi est mordelle dans cette sale vie où les chants de la haine font sale comble. J'enfile mon destin, niquer le bénéf pour les gosses de l'ombre. Pour ce parcours, je parcours, la pauvreté me parcourt. Une lame, un stylo, ce qui manque à l'âme, c'est l'amour. Vague à l'âme sur le macadam. J'aurais tenté, mais quand même un peu. Pour tuer ce mal, qu'on m'aide un peu. Pour beaucoup d'actes crapuleux, je plaide coupable. Avec beaucoup d'honneur, je mets ça sous le coup d'un cœur instable. J'avais pas ta magoshi, mais 3 grammes de shit dans le cartable. L'artifice crée un manque d'amour supportable. Soir à table avec mon père, on discutait pas. Il était dans ses factures, moi je priais pour qu'on me balance pas. Fierté dans mes gènes, le type de cité, c'est ce qui gêne l'accès au cœur dans tous les types de cités. Mais je voulais quand même un peu, même si la vie a fait que petit à petit, on se tait juste un peu. Ce qui fait qu'on se méfie, c'est pas le cœur mais le système. Plus d'amour dans vos yeux pour que l'on vive mieux. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que les murs qui résistent. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que les murs qui résistent. Sens-tu la haine dans mes yeux, celle qui me pousse à pliable. En surface, tu me crois heureux, mais j'encaisse grave. Le manque n'est pas toujours matériel. Certaines souffrances sont plus rebelles. Parfois, le besoin nécessite réponse à l'appel. Celui qui a faim peut se débrouiller pour manger. Mais rien pour le cœur, je trouverai pas d'amour en sachet. Les sentiments par acquisition, ça n'existe pas. On liave ce qu'on n'a pas, mais l'affection, ça se charbonne pas. Se cacher derrière un spliff et une saison, on l'a tous fait. Mais c'est pas pour ça que tout s'arrange. En fait, tu ne fais qu'étouffer. On ne cesse jamais de se faire bouffer. Dégoûté qu'aucune oreille soit prête à t'écouter. Pourquoi faut-il mourir pour se sentir aimé? La solitude c'est pire qu'une fracture irréparée. Dans le noir, la fierté se brise à cause des larmes. Rien ne remplace le geste, même pas le fric, même pas la gloire. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que les murs qui résistent. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que les murs qui résistent. Juste un coup de fil, t'as pas su m'offrir un seul coup de fil. Pendant que t'hésites à me joindre, 17 piges défilent. J'ai pas demandé à naître dans ce monde, bordel, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à naître sans vivre avec mon père. Je suis un manque d'amour comme ces victimes. Qu'on engendre, qu'on délaisse, qu'on décime. Une vie sans racines, tente de me faire la cour chaque jour. Chaque fois qu'il se pointe, je n'ai droit qu'au sentiment d'un jour. Pourquoi j'aurais d'aimer jusqu'à ce que la mort sépare? Puisque la plupart des couples finissent par se séparer. Se donner à fond, offrir ce que t'as pas dû. Faire semblant d'être bien dans sa peau. Trop de jeunes vivent. J'ai perdu des proches, des mères, des frères, des sœurs. Mais ce qui me chagrine, c'est de ne pas avoir ouvert mon cœur, du moins pas assez. À chaque malheur, une remise en question s'impose. M'offrir un peu d'amour serait pour moi l'apothéose. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que les murs qui résistent. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que les murs qui résistent.